أي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: الناقض الرابع. نحن ما زلنا في كتاب نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتذاكرنا أن النواقض كل ما نواقض الإسلام كل ما يخرج المرء عن دائرة الإسلام. نعم، فنحن في الناقض الرابع. قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيط على حكمه، فهو كافر. نعم. Donc cette quatrième abrogation, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: celui qui a la ferme conviction que une voix autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure, ou que un jugement autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur, ou il dit comme celui qui préfère le jugement des tawarit, mais on va voir c'est quoi les tawarit, il préfère le jugement des tawarit sur le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا ماذا؟ فهذا كافر. نعم. وهل هناك خلاف؟ هل هناك خلاف là-dedans؟ Si je dis ce qu'il doit y en avoir un. ولا كما تذكرنا كل ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من النواقض، c'est des choses qui sont بالإجماع، إجماع العلماء وإجماع أهل العلم والأمة على أن هذا كفر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il évoque qu'ils ne seront pas véritablement croyant jusqu'à ce qu'il revienne à ton jugement, c'est-à-dire le jugement du prophète alayhi salatu wasalam, et qui s'apaise de par le jugement du prophète alayhi salatu wasalam. Donc là c'est, ça fait partie kadhalik des nawaqid alladhi yajlib al-ahamiyya wal-tarkiz akthar min ghayriha. Ça fait partie des abrogations qui attirent, qui doivent attirer l'attention plus que les autres. Et waqa'at al-niza' bayna ahli sunnah wa kathirin min al-firaq fi hadha al-bab. Parce que il y a une dissension entre les gens de la sunnah et beaucoup de sectes égarées sur ce naqid. Na'am. Fa al-khawarij wa ma يندرج تحتها من الفرق كالإخوان المسلمين أو التكفيريين كلهم ضلوا في هذا الباب. نعم. Donc la secte des frères musulmans ainsi que les takfiriyin et toutes les sectes, ils se sont égarés sur ce chapitre. Non. Et ils ont prétendu que la totalité des hukam, les musulmans, sont des mécréants. Ou que la plupart des hukam sont des mécréants. Non. Fakharaju alayhim. Et donc ils sont sortis, ils se sont rebellés contre eux. Wakama tushahidun fi ayyamina hadha. Et comme vous pouvez le constater à notre époque, ma'ama yusammuna bil الربيع العربي كم يدون أبليل لبخانتان غرب. كل هذا مخالفة مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يخرج على ولي الأمر حتى وإن كان ظالما إلا إذا روي منه كفرا بواحا، وكذلك إذا استطعنا أن نزيله بغير سفك الدماء، وهذا غير حاصل. C'est-à-dire que le prophète Hassem a interdit qu'on sorte contre les gouverneurs, si ce n'est que l'on voie de leur part un kufr bawah, yani un kufr wadih. Et même si on voit un kufr wadih, il n'est pas permis de sortir, de se rebeller contre le gouverneur, si toutefois on n'a pas la capacité de le changer sans qu'il y ait de bain de sang. فحياه المسلمين اولى وارحى وارحى نعم من ان تسفك دماءهم بسبب كرسي من الكراسي. Et la vie des musulmans est plus importante pour, يعني, sur le fait de prendre la direction d'un quelconque pays. نعم. فكان الإمام أحمد يقول ماذا لا تقاتل في فتنة. Ne combat pas dans une période de trouble. والزم بيتك et يعني reste dans ta maison. Ne sors pas comme خرج الناس. Reste dans ta maison. هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق. Ceci et ce sur quoi se sont regroupés les savants tout entiers dans la terre entière. وما تجد فرقة من الفرق إلا وعندها الخروج على الحاكم. Et tu ne vas pas trouver une secte parmi les sectes sans que parmi ses croyances ou parmi son dogme qu'il ait permis chez eux de se rebeller contre le gouverneur. نعم. وفتنة الخروج على الحاكم le trouble qui vont succéder le fait de se rebeller contre le dirigeant, yani fitnatun azima, ce sont des troubles qui sont vraiment énormes, qui peuvent faire vaciller tout un pays. نعم انظروا كيف صار الجزائر قبل 20 سنة أو 30 سفك الدماء في أماكن كثيرة وقتل الأبرياء والنساء والأولاد وغير ذلك. كم بسبب إيش؟ بسبب الكرسي، بسبب أن هذا كافر لا بد أن تزيل، أو بسبب انتخابات وكذا. هذا ما يصلح. نفس الواحدة عند الله أعظم حرمة من الكعبة المشرفة. Juste un musulman, une personne musulmane, elle est plus honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la noble Kaaba. فما بال إذا تقتل هذا وهذا وأمه وأبوه وكيف؟ نعم. وما يلزم هذا الأمر كما ينبغي إلا أهل السنة والجماعة. Il y a personne parmi les sectes qui respecte cet ordre du prophète صلى الله عليه وسلم si ce n'est les gens de la sunna. فالإمام أحمد ضرب وشتم وعذب في السجن. Il a été châtié. Il a été frappé. Ils disent qu'on le frappait avec un fouet qui pouvait tuer un taureau. Quand on le frappait juste avec le fouet, il s'évanouissait. نعم. Pourquoi ? Pour qu'ils disent que le Coran est créé. وهذا كفر ولا لا ? هذا كفر ? نعم. من ? C'est qui lui a imposé cela ? L'émir. الحاكم هل قال يوما من الدهر اخرجوا عليه ما قال ذلك لان هذا فساد اعظم parce que ceci peut provoquer une perversion plus grande encore. نعم فهذا ناقد مهم جدا. Donc ceci est un point une des abrogations de l'islam qui est très importante. Taïb, wa dalil an-naqid. Et les preuves concernant cette abrogation. C'est-à-dire que celui qui juge par une autre loi que la loi d'Allah et de son messager est un mécréant. Dalil dhalik qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui est descendu avant toi. Ils veulent juger ou ils veulent prendre en jugement le tarot alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire en lui, mécroire au tarot. Et certes, le diable veut les égarer d'un égarement lointain. Non. فقوله طواغيت طواغيت جمع طاغوت donc طواغيت c'est le pluriel du mot طاغوت وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله et la meilleure des définitions qui a été citée au sujet du mot طاغوت c'est la définition qu'a évoquée l'imam Ibn al-Qayyim. Faitu qal وَالطَّاغُوتُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ. Donc ça, c'est à retenir par cœur. Comme la définition de l'ibada. L'ibada, ma hu, ya Abdel Karim. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal ايش al-zahira wal batin. Man dhakara hadhi aw hadha at-ta'rif la tadhkur Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah في كتابه العبودية وكذلك في مجموع الفتاوى. هذا من التعارف التي تحفظ. Ceci fait partie des définitions qu'il est impératif ou qui est très important d'apprendre. Donc le tawarit, on répète, كل ما تجاوز به العبد حده. C'est tout ce dont le serviteur va dépasser la limite qui lui a été fixée. C'est ce qu'on appelle le tarot. Ouais. C'est l'exemple, par exemple, dépasser la limite fixée, c'est-à-dire. Regarde, je termine la définition, après je t'explique là-dessus. Dépasser sa limite fixée. Min ma'boudin. Qu'il soit adoré. Maintenant, un chanteur, là, il chante. Il voit des gens qui disent on t'adore. Lui, il agrée cela. Là, il a dépassé quoi? Il a dépassé sa limite qui lui était fixée. C'est-à-dire, normalement, c'est un serviteur. C'est pas une divinité. Non, mais il n'y a pas un retirer sur le mot adorer, comme on l'emploie, j'adore. S'il y a adoré comme tu as dit divinité, il y a adoré dans. Ça dépend comment tu l'emploies, tu vois. Mais un savant, il a dit tout dépend comment tu l'emploies le mot. Parce qu'il a plusieurs sens. Et après, il a comparé avec un mot en arabe, je sais plus ce qu'il a. Il a dit adoré, il a deux sens, tu vois. Il y a le sens adoré, aimer, quoi. Adoré, aimer. Aimer, ouais. Ça s'emploie. C'est pas forcément pour des divinités. Pas aimer. Ça, c'est. Si, c'est un mot à double sens. Ouais. On peut dire adorer au sens je t'aime quoi. طيب على كل حال ça c'est en français. Mais c'est en français. En arabe c'est j'adore ça. C'est en français en fait. En français moi je la traduction des fois elle est pas. اتني بالكلام هذا بنشوف. Al-Muhim, il y a quelqu'un qui aime être adoré. Et Hada, tu vas le voir dans les chanteurs, tu vas le voir dans Mada. Hatta la'ibin al-qura. Hatta même les joueurs de foot. Il y en a, ils aiment qu'on les adore. On fasse on les copie dans leur dans le style vestimentaire ou dans l'apparence. Naam. Fa kullu hada min dalik. Ah, la dame, eh. Elle a tout. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la طيب دونك وصلنا عند قوله الطواغيت والطواغيت جمع الطاغوت واحسن ما قيل فيه ما ذكره الامام ابن القيم عليه رحمه الله حيث قال والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع toute personne. Le tarot, c'est toute personne qui a dépassé sa limite. Qu'il soit adoré ou suivi ou obéi. Qu'il soit adoré ou suivi ou obéi. Donc, on avait pris l'exemple du chanteur. Le fait que les gens les adorent. Ça peut être considéré comme un dit Mohammed. D'un autre sens que l'adoration que l'on connaît, ça peut être considéré comme la mahabba, l'amour. Mais même si on dit que c'est considéré comme l'amour, par contre, ils sortiront. Hein? Les autres là qui font, je sais pas, rock là. On peut dire qu'ils les adorent. Ah. Ouais, parce que Al-Muhim, c'est même pas. C'est pas juste. C'est pas relatif à l'adoration. S'ils sont pas adorés, ces chanteurs, ils sont suivis. Ils sont suivis, ils agréent qu'on les suit. Fam min dalik al-bab saru tawaghuta aw tawaghit. Hein? C'est-à-dire que le chanteur, même s'il n'est pas adoré toutefois, il est suivi. Ou il est obéi. Il est suivi. Dans le contraire, dans ce qui est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, fa bihada sara ta'utan, où il est obéi dans ce qui est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Mais est-ce que la personne qui il œuvre sans dalil, mais il exige qu'on le suive, est-ce qu'elle rentre dedans? Fidin. Il existe qu'on le suive. Naam. Naam, c'est un tawaghut. Même si c'est un musulman. Même si c'est un musulman. Naam. Fa la yajouz. Ittiba' al-shakhs an ghayri huda wa ghayri basira. Tu ne dois pas suivre une personne sans qu'elle ait une guidée venant d'Allah Azza wa Jal ou de son messager. Naam. Et celui qui agrée d'être suivi en dehors de, c'est-à-dire de la guidée du prophète alayhi salatu wa salam, fahada tarot. Wahal Isa ibn Maryam, tarot. Et est-ce que Isa ibn Maryam, c'est un tarot? Non. L'anna wa maradiya bidalik. Maradiya bidalik. Laqad kafara alladhina qalu inna. إن الله هو المسيح ابن مريم قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ها دونك الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن المسيح ابن مريم كان يتبرأ من هؤلاء المشركين يتبرأ منه منهم نعم دونك لا ديب تفضل كيس كي نوميت لو سوبيتو شانتور في لا بريير حتى ايوه حتى وين صلوا حتى وين صلى حتى وين صلى لا يجوز ان يرضى باتباعته خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم il ne lui est pas permis d'agréer qu'on le suive au début en dépit du suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Par exemple, lui il chante, il a fait son péché. Et genre, il doit dire aux gens, écoutez pas ma musique. Et là, il sort du tarot. Mais s'il dit rien aux gens, il les incite à acheter. Ouais, tarot. Là, il sort du tarot. Il sortira pas de la, du ma'na tarot du moment qu'il est suivi dans la désobéissance d'Allah et il agresse là. Mais s'il leur dit acheter pour ma musique, là, il n'est pas dans le tarot. Là, allez, il y a tout, il y a trop qu'elle rien. Kef, il dit n'achetez pas ma musique, il chante toujours et il va de radio en radio. Là. Son œuvre, elle dément sa parole. Toutes les personnes qui vont écouter, ils prennent péché. Naam. Naam. هذا خطير جدا نعم قال الإمام ابن القيم فالطاغوت كل قوم ممن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم. Donc, les tawarites du monde entier, ils ne sortent pas de ces trois exemples. Soit ils sont adorés en dehors d'Allah Azzawajal, ou soit ils sont suivis en dehors du suivi d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire le suivi de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ou soit ils sont obéis, ou ils sont écoutés en dehors de l'écoute et de l'obéissance d'Allah Azzawajal. فقال الشيخ الإمام ابن القيم فهذه طواغيت العالم. Voici les différentes catégories de طواغيت dans le monde entier. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التحاكم إلى الطاغوت. Et si tu médites sur la situation de la plupart des communautés musulmanes de notre époque, tu vas voir que bon nombre d'entre eux ont changé ou ont dévié de l'adoration d'Allah Azza wa Jal vers l'adoration des tarots. Ainsi que ils ont changé le fait d'aller se juger avec la législation d'Allah et celle de son messager en faveur d'aller se juger avec le jugement du tarot. وعدلوا عن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. Ils ont dévié de l'obéissance d'Allah Azzawajal ainsi que du suivi du messager, de son messager, vers l'obéissance du tarot et son suivi. وَهَؤُلَاءِ لَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ النَّاجِينَ الْفَائِزِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et ces gens-là, qui ont commis cela, ils n'ont pas emprunté le chemin qui va les sauver. Le chemin qui a sauvé les gens de cette communauté. وَهُمُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. C'est-à-dire les compagnons et ceux qui les ont suivis. وَلَا قَصَدُوا قَصْدَهُمْ. Et ils n'ont pas emprunté leur chemin. بَلْ خَالَفُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ وَالْقَصْدِ مَعًا. Mais au contraire, ils les ont contredits. C'est-à-dire ceux qui ont adoré les tarots, ils ont contredit les sahabas et ceux qui les ont suivis ils les ont contredits dans leur voix ainsi que dans leur but. Naam. Donc c'est une parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Kalamun nafisun jidda. Fa yuhfad. يحفظ قوله يعني طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع ثم قال والحكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله على سور متعددة فلا يعد كفرا مخرجا من الملة مطلقا لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et le fait de juger par une autre loi que la loi d'Allah Azza wa Jal, ceci a, yani, c'est un jugement qui a différentes apparences. On ne peut pas dire directement que c'est du kufr. Parce qu'elle a plusieurs apparences. Non. On ne peut pas dire directement que c'est la mécréance qui fait sortir de l'islam. En vue de ce qui a été confirmé, en vue de ce qui nous est parvenu, d'une manière authentique, de la parole de Abdullah ibn Abbas, fi tafsir qawlihi, au sujet de l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, certes ceux-là sont les mécréants. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عِنْدَ هَذِي الْآيَةِ. Et donc Abdullah ibn Abbas, il a dit au sujet de ce verset, هِيَ بِي كُفْرٌ وَلَيْسَ كُفْرًا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. C'est de la mécréance, mais ce n'est pas de la mécréance en Allah, ou en ses messagers, ou en ses anges, ou en ses livres, ou en ses messagers. Voilà, et ça c'est un athar sahih de Abdullah ibn Abbas. Fahada yuhfad. Kadalik, hada c'est à apprendre. Yuhfad. Qawl ibn Abbas. Fi hadi l'aya. Parce que le khawarij, ou le firak d'balla, y'a'tun bi mithli hadi l'ahadith, ou mithli hadi l'ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont les mécréants. طيب, من يفهم القرآن أحسن من عبد الله بن عباس؟ ترجمان القرآن. Qui comprend le Coran mieux que Abdullah ibn Abbas de notre époque? Ma fi. Et Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a. Et pour lui, afin qu'il comprenne, qu'il ait la compréhension du Coran. Non. Enfin, ce grand compagnon, en ce qui concerne le tafsir, yani, c'est un marjir. C'est une base solide. Comment il va expliquer le verset, c'est quelque chose que n'importe quel mufassir, n'importe quel interprète du Coran, il est obligé d'accepter fil ghalib, dans la plupart des cas. Non. Enfin, imam fi tafsir. Donc c'est un imam dans le tafsir. Et lui, il dit au sujet de ce verset, hiya bi kufr, c'est certes de la mécréance. Wa laysat kufran billah, mais ce n'est pas de la mécréance en Allah, ni en ses anges, ni en ses livres, ni en ses messagers. Et c'est un athar sahih. Wa lam yu'lam mukhalifun. ولم يعلم مخالف له من الصحابة. Et on ne connaît pas quelqu'un parmi les compagnons qui l'ont contredit dans cette parole. Ça fait que le compagnon, quand il dit une parole qui s'est propagée au milieu des gens et qu'il n'y a personne qui l'a contredit, certains savants, ils disent que ça atteint le niveau du dalil. قول الصحابي حجة. قول الصحابي حجة عند بعض أهل العلم. Chez certains savants, كشيخنا يحيى et d'autres parmi les pieux prédécesseurs, ils disent que la parole du compagnon, du moment qu'elle a atteint, c'est une parole célèbre qui s'est propagée dans la plupart des contrées islamiques, et dont on ne connaît aucune contradiction parmi les paroles des autres compagnons, alors cette parole est à prendre comme étant une preuve. فهذا أقوى ما يرد على الخوارج والتكفيريين. Et ça fait partie des plus fortes preuves avec lesquelles on réfute les khawarij ou les takfiriyens. En gros, il veut dire que celui qui c'est... pratique... Il va expliquer là, tout de suite. Ah, okay. Il va expliquer là. قال وكذلك أخرج بسند صحيح عن عطاء رحمه الله في تفسير قوله تعالى. Et aussi est apparu de la part de Ata ibn Abi Rabah. Wa Ata ibn Abi Rabah, c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas. Et il fait partie des kibar ahl al-ilm fi zaman, kibar tabi'in. Il fait partie des plus grands savants parmi les tabi'in. Les tabi'in, c'est la génération qui a suivi les compagnons. C'était quelqu'un, Ata ibn Abi Rabah, c'était quelqu'un qu'on a qualifié d'amimul khalqa. Il était pas très d'une apparence pas très belle physiquement. يعني كان أسود البشرة ويذكرون أن يعني به مرض في عينه أو يعني خلقته فيها كانت غير جميلة ومع ذلك كان جماله تستشعر في قلوب الصالحين والكفار والفجار. Et malgré tout, malgré que Allah ne lui a pas donné une bonne apparence, il était chez les gens pieux de son époque, ou même chez les gens pervers, d'une beauté énorme. بسبب ايش نور العلم وكانت العرب في مكة المكرمة يكرمونه. Et les Arabes de Mecca avaient l'habitude de l'honorer. Jusqu'à ce qu'ils ont dit au le roi, l'émir de l'époque, ils ont interdit que quelqu'un fasse une fatwa, ou Ata Mawjoud. Alors que Ata Mawjoud, min bayna yaday. Fa Ata ibn Abi Rabah, min kibari al-tabi'in, ou min kibari tullab. Abdullah ibn Abbas. Donc cet homme-là, Ata ibn Abi Rabah, il explique aussi dans le tafsir du Coran. Et c'est un tafsir qu'il a pris de qui? Qu'il a pris d'Ibn Abbas. Donc il explique au sujet des versets. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ces trois versets. Ceux qui ne jugent pas parce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Ceux qui ne jugent pas parce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Trois versets qui sont descendus ma'abab, qui sont descendus l'un après l'autre. Il explique en expliquant ces versets, ou il dit en expliquant ces versets, قَالَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ. C'est de la mécréance. Mais c'est de la moindre mécréance. وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٌ. Et c'est de la perversion, mais c'est la moindre des perversions. وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٌ. Et c'est de l'injustice, mais c'est la moindre de l'injustice. Parce que tu as du kufr akbar, وَفِسْق akbar, وَظُلْم akbar. وَالْكُفْر akbar. C'est ce qui te fait sortir d'Islam. وَظُلْم akbar. C'est ce qui te fait sortir d'Islam. Al-Akbar, c'est ce qui te fait sortir de l'islam. Donc eux, ces savants, Ibn Abbas ou autres, ils ont dit, c'est du kofre, mais ça ne te fait pas sortir de l'islam. Et nous, on va voir, c'est quelle image qui ne te fait pas sortir de l'islam dans ce jugement, le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Donc après ce qu'on vient de citer, on va évoquer les différentes images dans lesquelles la personne qui juge par une autre loi que les lois d'Allah se trouvera sortie de l'islam ou autre. طيب وإن شاء الله نأخذ شيئا من تفسيرنا منذ أيام ما قرأنا في التفسير فننتهي من هذا الدرس في نواقض الإسلام ونأخذ شيئا من تفسير القرآن.